Salinda, la fille aux yeux de sel. Le début de l'histoire peut commencer. Où ça? Dans les limbes d'un océan. Il a quoi là-bas? Un monde de trésors. C'est l'histoire. De pleurer, de tristesse ou de joie, ses yeux coulent et disparaissent petit à petit. Elle voit de moins en moins à chaque goutte d'eau qui sort de ses pupilles. C'est l'histoire.